et ça sero dans sur la piste, je suis un homme sincère du pays où poussent les palmiers pour faire danser tous les paysans du monde entier. Fais bouger les miss de Paris à Cuba jusqu'en Afrique. Voir autant de belles femmes, cela nous excite. Vas-y, mets la Guantanamera avec Delvis à la soirée, on fait ça. Okay. Avec Delvis à la soirée, on fait ça. Tu le sais, ok. Tu le sais, ok. Tu le sais,